Exercice 67. Caractériser, transformer. Exemple. Cette ville, 1000 coupoles. La ville aux 1000 coupoles. À vous. Cet homme, une oreille cassée. L'homme à l'oreille cassée. Édouard, des mains d'argent. Édouard aux mains d'argent. Cette fille, des yeux d'or. La fille aux yeux d'or. Cet homme, un crâne rasé. L'homme au crâne rasé.